chat, j'en argot dans la rue. C'est hip-hop. Tu t'intéresses aux meufs qui ont un gros cul. C'est hip-hop. T'as la casquette et le haut assorti. C'est hip-hop. T'as 2-3 contacts, tu montes sur Paris. C'est hip-hop. Snoop Dogg à fond dans le iPod. C'est hip-hop. Danser la merde, toujours là pour tes potes. C'est hip-hop. Le graffiti sur les murs du RER. C'est hip-hop. Tu voudrais qu'on légalise la BR. C'est hip-hop. Tu rêves de Hummer et d'être blindé. C'est hip-hop. Quoi qu'il arrive, tu lâches pas ton rinté. C'est hip-hop. Le McDo, tu taffes le kebab. C'est hip-hop. Le système, tu lui fais des clés de bras. C'est hip-hop. Tu rappes et tu danses pour t'exprimer. C'est hip-hop. Tu crois en toi, tu veux pas te sous-estimer. C'est hip-hop. Tu représentes fièrement ton ghetto. C'est hip-hop. Par-dessus tout, tu fuck leur soirée techno. C'est hip-hop.